car je la regarde comme telle après le soin que j'ai pris de son éducation, et fait un choix dont je suis contente. Je l'approuve et consens que vous vous mariiez tous deux. J'ordonnerai moi-même les apprêts de vos noces, mais auparavant, j'ai besoin de ma fille pour 10 jours. Pendant ce temps-là, je parlerai au calife et obtiendrai son consentement. Et vous, demeurez ici, on aura soin de vous. » En achevant ces paroles, Scheherazade aperçut le jour et cessa de parler. Le lendemain, elle reprit la parole de cette manière. Fin de la 123e nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public.